Ikavanavanati. Yesuka kanzelame. Yesu yesu kaka. Yesu kaka. So kaka zolele. Yesu kawanka kako. Onangena imbela. Yeso yeso ka, oh yeso kaka, yeso kaka, oh zolele, zolele, yeso kawa kaka ko, bunange na imbela. Yeso yeso kaka, yeso wena toa desi, mona zela moyo wa, zolele kofi nama. Oh yes, yes, oh God. Oh yes, oh kaka, yes, oh kaka. Zole, kon zolele, yes, oh kawa, kaka ko. Bonange na bonange na imbila. Yes, oh, yes, oh, yes, oh, God. Ah, yes, oh, kaka, yes, oh, kaka. Oh, zole, buko, zolele. Yes, oh, kaka, waka, kako. Bonangina, bonangina, imbila. Yes, oh, yes, oh, yes, oh. Bon soyan de te de ba, bon sokle so fanana, pasenge na monesa, yeso yeso ka. Ah, yes, oh, kaka, yes, oh, kaka, zole, yes, oh, zolele, yes, oh, kawa, kaka, kum, bonangina, bonangina, imbila, yes, oh, yes, oh, yes, oh, kaka. Oh, yes, oh, kaka, yes, oh, kaka, zolele, zolele, yes, oh, kawa, kaka, ko, bonangina, bonangina, imbila, yes, oh, yes, oh, yes, oh, kaka. Sikaya la seza zo, kembo, kembo bode se kela, zulu toto fokama, valu se loa yeso, yeso kaka, yeso kaka, zole, zolele, yes, kawa, kaka, bonangina, bonangina, imbela, yes, so, yes, kaka, yes, kaka, yes, kaka, zolele, zolele, yes, kawa, kakako, bonangina imbila, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Come. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste. C'est avec plaisir et joie que nous nous tenons dans ta présence. Que nous chantons à ta louange, à ta gloire. Que nous venons pour t'adorer, te remercier et te servir. Exprimer notre reconnaissance pour les innombrables bienfaits. Que tu nous fasses se manifester à notre égard. Dont nous sommes les bienheureux bénéficiaires. Tu es le Dieu des grâces pour nos âmes. Tu nous accordes de multiples faveurs non méritées. Dans ton grand amour, par ta bonté, tu frayes le chemin pour chacun de nous. Tu garantis les souffles de vie à chacun de nous. Tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les mauvais. Sur les justes et sur les méchants. Sur les pécheurs et sur les saints. Tu fais pleuvoir de même sur tous les humains. Car toi, Dieu, tu es bon, riche en miséricorde. Laisse nos cœurs te dire merci, Seigneur. Et t'offrir le meilleur que nous avons. T'offrir nos cœurs. Les projets de nos cœurs. Nos sentiments et toutes nos personnes. Prends-toi à toi et pour ta gloire. Garde-nous plus près de toi, Seigneur. Dans ton amour parfait. Chaque fois vainqueur. Selon tes promesses infaillibles. Faisant de nous plus que vainqueurs. Exaucant continuellement nos prières. Faisant promptement justice à tes élus. Qui crient à toi jour et nuit. Nous persévérerons dans la prière pour persévérer à recevoir les réponses de la joie que rien ne pourra nous ravir. Bénis la reine de ce soir, Seigneur, et répands la bonne atmosphère sur nos cœurs pour que nous puissions être en contact avec toi, en connexion avec le surnaturel, avec le roi du ciel, avec Elohim, le Dieu souverain, que nos esprits te contactent. Ou en étroite relation avec toi, en profonde communion avec le Dieu vivant, la puissance du surnaturel, l'efficacité du divin. Conduit la réunion de ce soir et parle à chaque cœur pour changer tout autour de nous et que nos vies reflètent ta personne, répandent la bonne humeur de Christ, le bon parfum, la bonne odeur, ôte toutes les mauvaises réputations, tous les actes insensés, tous les actes de méchanceté, tous les actes d'incrédulité, qui prime cela sur notre parcours. Nous avons besoin que nos péchés soient effacés et que le pardon de Dieu devienne effectif. Conduis-nous ce soir et bénis-nous ce soir au nom merveilleux de Jésus-Christ, le Dieu unique et véritable. Nous prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, nous lisons à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain sous forme, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alors, bien peut beaucoup de gens ont dit, ils ont dit, ils ont dit, to na kolamuka na moyi mpe kona ekobima na liboso ekoli ebimisi makasa mbuma pe na sima na loposo mpe etonga na sima na moto mpe ebuka melina yango ekobwakama na ntina ete soki eteli Hébreux chapitre 9, versets 1 à 4. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. Derrière les second voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Il a qu'à na coïngé là, na épémeu, na Hébreux chapitre 9, verset 1 à 4. On dit mana na liboso et jalaki na ni bo konto na kosambe la paix et fika na boule katina mokili oyo. Zambi ema etandami oyo na liboso katina yango eseme selo na mwinda et jalaki. Pe mesa pe kwanga etandami. Oyo ezengami ete, esika na boye, sima na elamba na mibale ema mosusu ezalaki oyo ebengami esika eleki boye. Ezalaki na etumbelo na mpaka oyo na oyo, pe na sanduku na kondima na oyo ezipami bipai nyonso na oyo. Kati na yango mpe mbeki na wolo ezalaki oyo esimbaki mana mpe Lingenda na alona lito liokaki matiki pe bitando na kondimana. Nombre chapitre 17. Nous commençons au verset 6. Etuya, zomira sambo. Verset 6 jusqu'au verset 13. Motoba kino zomira misato. Nombre chapitre 17. Etuya, zomira sambo. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de l'air. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Il avait poussé les boutons, produit des fleurs et mûrit des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants des rébellions. Afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Amen. Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Mose asololaki na bato ya Isalaele mpe bato na liboso nyonso bapesaki ye mangenda na bango. Moko mpo na moto na liboso moko, pela moko na ndako na batata na bango. Mangenda zomi na mibale, mangenda zomi na mibale. Lingenda mpe na alona ezalaki kati na mangenda na bango. Mose atiaki mangenda yango liboso na Yahwe kati na ema na litatoli. Na mokolo na sima, Mose akotaki na ema na litatoli. Pe tala lingenda na alona, po na ndako na Lewi esilaki kotoa pe kobimisa kasa pe felele. Pe esilaki kotelisa mbuma na amanade. Mose alongolaki mangenda yonso na liboso na Yahwe pe abimisaki yango epai na bato na Isalele nyonso. Pe bango batalaki mpe moto na moto akamataki lingenda na ye. Yawe alobelaki Mose ete, zongisa lingenda na alo na liboso na litatoli ete, abatelama lokola elembo mpona batomboki. Na tina ete okota kosukisa koyimayima na bango na tina na ngai ete bakufa te. Mose asalaki boye lokola Yawe alakelaki ye. Asalaki boye. Bato na Isalele balobelaki Mose ete, tala, tokufi, tobebi, biso nyonso tobebi. Moto na moto oyo abelemi na mongombo na Yawe akokufa, biso tokokufa nyonso. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur pour partager avec nous le pain de vie. Un morceau de pain de vie ce soir. La parole du Dieu vivant qui a la vie en elle-même. Qui donne vie à toutes choses. Il y a plein de choses qui ne sont pas comme si elle était. Il ressuscite même les morts. Et qui vivifie les choses mourantes. Il donne de l'espérance à ceux qui sont désespérés. Il apporte la consolation à ceux qui sont affligés. Que le morceau de pain soit une guérison pour les malades. Que ce soit une solution pour quiconque a un problème difficile. Un problème compliqué. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Et la foi dans le Dieu vivant agit. Et que nos cœurs puissent y avoir part. Bienvenue à la table du Seigneur. Bon appétit, je le répète, bon appétit. Et comme il a dit, soyez toujours joyeux. Et que la joie du Seigneur soit votre part. Et sa volonté dans sa sainte Bible. Alors ce soir, notre exhortation, ou la pensée des prédications, un peu plus fort qu'une exhortation. Voilà pour l'atmosphère qui compte. Voilà, vibindé en Ozali. Pour changer la situation. On a kobongo la lolenge makambo bazali. C'est l'atmosphère qui compte. Vibi amo de zaina mutuya to lolenge. Pour changer les situations. On a kobongo la lolenge makambo. Il nous faut entrer dans une atmosphère. C'est la chose que ta kati la vibi moko. Celle dans laquelle nous vivons n'est pas propre. Donc si on pas que nous allons kobi ça est la malamu. Ne permet pas d'atteindre nos objectifs. Parce que ça vit son gratte que comme atti na. Réaliser nos rêves. Pour que ça makambo de kobanza. Faire s'accomplir le vœu de nos cœurs. Pour que ça va pour ça vite mon avis. Nous serons obligés de changer d'atmosphère. Mais si l'atmosphère dans laquelle nous évoluons, elle est rassurante. Elle semble nous indiquer. Nous sommes assurés. Nous sommes d'ici là. Et nous sommes de l'optimisme. Vous avez la ferme assurance dans vos cœurs. Et la préconviction de l'esprit. Alors, améliorez-vous dans cette atmosphère. Mettez-vous dans la foi toujours. Dans peu de temps, vous atteignez le but. Plus vite que ce que vous imaginez. Vous palperez le résultat. Que cette atmosphère soit favorable. Comme le Seigneur a dit. Et nous le savons, non? Dans Marc chapitre 11, ici, le Seigneur a dit une chose qui est vraie. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que Kubonde la pe kolomba, bondi maete bosili kozwa yango pe ekozala ya bino. Ceci est un autre témoignage. Que c'est l'atmosphère qui compte. Pour changer les situations. Il y a un moment où tu n'as pas quelque chose. Tu n'as pas certaines choses. Il te manque ceci et cela. Et cela crée un climat autour de toi. Donc parce que tu manques ceci. Et que tu manques cela. L'atmosphère pénètre autour de ta personne. Ça peut être un désarroi. Ça peut être une frustration. Ça peut devenir un tas de soucis. Ça peut tendre les nerfs de votre tête. Vous pouvez avoir mal à la tête. Et quand vous avez très mal à la tête, même les yeux qui voyaient bien ne verront plus bien. La vision deviendra par moments flou. Je crois que certains visages vous auront difficile à les identifier. D'où vient cette atmosphère là? Vos pensées, de la situation dans laquelle vous vivez, des réalités qui vous environnent, parce que l'environnement a une grande influence sur notre comportement, sur notre attitude, sur nos actions et nos réactions, et l'ensemble de cela, et nos pensées, et l'environnement, et nos actions, ça crée une atmosphère. Mais quand vous vous mettez à prier, vous voulez au fait En demandant, le Seigneur nous exhorte, nous recommande d'avoir foi dans ce que nous demandons. Et nous verrons cela s'accomplir. Vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Pendant que les réalités autour de vous dans le domaine matériel paraissent les mêmes. Mais attention, même si les réalités visibles restent les mêmes, même si les réalités palpables restent les mêmes, attention monsieur Seda, l'atmosphère aura déjà changé. À partir du moment où du fond de votre cœur, vous avez la ferme assurance que vous avez demandé, vous les possédez déjà. Vous les avez déjà reçus. Même si dans les mains il n'y a rien, mais si dans le cœur il y a la foi, si dans l'esprit il y a la conviction, que votre mentalité a évolué. Vous pensez ont changé. Et de même que les anciennes pensées de détresse, de 17, de manquement, de même que les pensées de manquement avaient produit une atmosphère autour de vous. Peut-être que l'irritabilité, la nervosité, l'insolence, la colère, un trouble visuel, mais même les pensées positives, les choses qui viennent de naître en vous, vont produire un tout autre climat. Votre visage deviendra joyeux. Les lignes qui seront frognées, les on verra la sérénité sur votre visage. Quelqu'un qui attend une très très bonne nouvelle. Et si, il y a quelques moments, cause du manquement de ceci. À cause de la détresse de cela. À cause de ceci qui n'était pas près de moi. Mon humeur avait changé. Mon humeur était empoisonnée. Le climat autour de moi s'était envenimé. Regarde comment la prière change les choses. Je parle le changement de conviction. L'intérieur prend le dessus sur l'extérieur. Tout d'un coup, il y a l'assurance dedans. Et d'un moment à l'autre, la chose qui est invisible, qui est absente de mon système, cette chose va apparaître. Je vais la palper. Je vais en témoigner. Au bout d'un temps, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer, la chose apparaîtra. Un messager de bonne nouvelle vous l'amènera des fois à mes propres. Un ange du Seigneur que vous servez, vous pourrez même descendre et vous le confirmer. Le Saint-Esprit dont vous connaissez l'existence, vous pourrez même murmurer et faire retenir la foi du Saint-Esprit. Vous rassurez ta foi que tu es dans le bon, que le problème est déjà résolu. Il n'y a plus tout ce que vous demanderez en priant. Non, ce que vous voyez que vous la verrez. Vous le verrez s'accomplir. Quelle base de changement. L'obligation d'avoir la foi est indissociable. Nous ne pouvons pas vous dispenser de cela. La foi, vous devez l'avoir. Dans chaque chapitre premier, nous lisons ceci. Le verset 1. Dans chaque chapitre premier, nous lisons ceci. La parole infaillible encore. Chaque chapitre premier, nous lisons le verset 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, voilà un manquement. Quand vous n'avez pas la sagesse, cela vous conduit à des comportements. Ça vous amène à des réactions. Et vous pouvez parler d'une certaine manière. Savez-vous que la Bible dit que celui qui répond avant d'avoir écouté, il fait un acte de folie. C'est là où il ne veut pas te répondre. Est-ce que mal parlé? L'autre, il ne sait pas quoi dire. Et du coup, il y a une confusion autour de lui. Tu vas dire, et puis demain, tu vas encore parler. Ça veut dire quoi la confusion? Tu es confus. C'est la cause. Quand tu as la sagesse, écoute d'abord et comprends ce qu'on te dit avant de répondre. Et la Bible dit que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça va t'éviter la confusion. Ça va t'éviter certains conflits évitables et inutiles. La sagesse va t'épargner de certains conflits. Et la Bible dit que le calme prévient des grands péchés. Dans des jours mauvais, le sage doit savoir s'éteindre. Savoir garder sa bouche fermée. Et ça vous évite les grands péchés. Or, quand tu pèches, Dieu se retire de toi. Et Satan envoie des émissaires. Et multiplie la présence des esprits méchants autour de toi. Or, nous devons vaincre le péché. Donc, chacun de nous doit avoir la sagesse. Nous savoir quand parler, quand se taire. Quand les choses sont mauvaises, taisez-vous. La Bible. Quand il y a de bons jours, parlez. Quand c'est l'essentiel, Ce prénom dit aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne parlait jamais inutilement. Il savait quand parler et quand c'était. Il savait quand c'était et quand parler. Quand il parlait, c'était opportun. Quand il s'était dit, c'était nécessaire. Il les regardait. Sachant que par sagesse, le silence vaut mieux que parler. Il y a eu un président de la République dans son pays. Mais qui s'est caractérisé par beaucoup de silence là. Au point que les Occidentaux l'ont même taxé l'homme de peu de paroles, peu de mots et de peu d'actions. Donc, alobaka mouke, peu asala kamouke. L'homme de peu de mots et de peu d'actions. Là où on attendait même qu'il parle, il parle pas. On faisait des choses pour... Alors certains Chinois... Et vous apprenez qu'il y a bien. Mais pourquoi il n'a pas parlé? Alors un jour, quand il essaie de donner conseil aux gens, il dit ensuite dans la vie, il faut savoir qu'il ne faut parler que lorsque les mots que vous allez dire sont plus forts que le silence. Donc, apprendre à ne parler que quand les mots pèseront plus que le silence. Donc, au lieu d'apprendre ça, c'est comme si en parlant trop, on va lui amener un changement. Voilà, c'est la prière qui change les choses. Et pour qu'elle change les choses, vous devez tenir votre prière dans une bonne atmosphère. L'atmosphère de foi et de conviction. L'atmosphère d'assurance envers le Dieu. Sans quoi il n'y aura rien. Que Dieu nous aide à chacun. Que Dieu nous aide à y parvenir. Si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Dieu la donne dans la simplicité, vous aussi demandez-la dans la simplicité. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. L'ondulation, le flot de la mer. Agité par le vent. Et poussé de côté et d'autre. flottant. Celui qui doute, voilà ce qu'il est. Il n'a pas l'assurance qu'il y aura la suite. Il n'a pas l'assurance que Dieu l'a écouté. Il n'est pas sûr que Dieu répondra. Il n'est pas sûr que cela agira. Bien mes frères et sœurs, il faut éviter d'être comme ça. Parce que si tel est ton climat, ton atmosphère, dans tes moments de prière, alors tu n'auras rien. Tu vas parler beaucoup aux humains, comme les Congolais aiment trop parler, mais il n'y aura pas de changement substantiel. Les situations resteront inchangées. Tu te mettras aussi à beaucoup prier, pensant parfois qu'à force des paroles, Dieu va t'exaucer, mais la Bible t'apprendra finalement que ce sont les païens qui s'imaginent comme ça. Et quand il prie, que c'est ta force des paroles, ils seront exaucés. Nous ne pensons pas que c'est la force des paroles. Nous savons que c'est l'atmosphère qui compte pour changer les choses. Il faut avoir la foi dans le cœur. Priez avec foi sans douter. Et croire ensuite que ce que nous avons demandé, nous le posséderons. Et nous verrons cela se réaliser. Qui dit amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au fleuve de la mer. Agité par le vent. Et poussé de côté et d'autre. Il n'a pas eu de paille. Qu'un tel homme n'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Situation déplorable. Qu'un tel homme. Si tu m'écoutes là et que c'est ton climat. Dans tes moments de prière. Tu es semblable au flot de la mer. Agité par le vent. Et poussé de côté et d'autre. Un tel homme. Il a beau s'imaginer. Bientôt ça agira. Vous ne recevrez rien d'ici. Et le croyant qui entend doit dire amen. Et l'incrédule qui entend doit dire aide-moi Seigneur. Je ne veux pas rester dans un tel climat. Je ne veux pas prolonger ma vie dans une telle atmosphère. Quand nous prions, ayons la foi du cœur. Quand nous prions, ayons la foi. Car sans la foi dans le cœur, nous n'aurons pas la chose. Mais quand la foi est là, Matthieu chapitre 21, verset 22, le Seigneur dit ceci, c'est la promesse qui se confirme encore. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez, non pas avec doute. Le Seigneur a dit, quand tu demandes à Dieu, demandez avec foi, sans douter. Il doit y avoir zéro doute dans le cœur et dans votre esprit. Le Seigneur est dans de vous. Demandez avec foi. Senga na kundima. Sans douter. Kuzanga kubeta tembe. Sans trace ni particule de doute. Kuzanga etena tamo kete itono ya kuzanga kundima. Et tout ce que vous demanderez avec foi. Nyoso vokosenga na kundima. Le Seigneur nous rassure. Vous la faites de l'état ici, déjà été. Vous le recevrez. Nino voko ya mbokoso yango. C'est absolument vrai. Voilà, vous allez penser à ça solo. Vous le recevrez. Parce que vous l'avez demandé avec foi. Vous le recevrez. Dans Hébreux chapitre 10. La parole dit encore ceci. Verset 21 Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Amen. Dans la plénitude de la foi. Amen. Non pas avec une foi partielle, mais avec une foi complète, totale. Amen. Une foi sans doute. Amen. C'est comme ça que nous devons nous approcher de Dieu. C'est souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Nous savons déjà ce que c'est. Ça vous a été enseigné ici. Le lavage par l'eau de la parole. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Na bongo tobele mala mitema na sembo pona litongi na kondima penza. Awa esili mitema na bifo kumwangi sama pona kupotwa longwa na lifoso limabe. Awa pe esili njoto na bifo kusukwa mai na petu. Tosimba ngui eyambo lina elika na bifo. Po ete ye oyo apesa ki elaka ajali sembo. Nous n'avons pas à nous questionner si les choses que nous demandons avec foi, nous les recevions ou pas. Il n'y a pas à se demander. L'assurer, c'est certain. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Ce n'est pas moi qui dis, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, il a tout créé par sa parole, il a le pouvoir de tout changer. C'est lui qui dit que tout ce que vous demandez à l'espoir, vous le recevrez. Ça montre que certaines choses, vous les avez pas reçues parce que vous n'aviez pas demandé avec vous. Vous n'aviez pas demandé avec vous. La parole du Seigneur est infaillible. Ton constat et ton témoignage ne sont pas la parole, mais ils vont confirmer la vérité de la parole. Si la balance penche, je sais que c'est toi le fautif. Nous ne pouvons pas trouver aucune faute dans les paroles de Dieu. Aucune faille dans les promesses de Dieu. Aucun échec dans la parole du Seigneur. Ça m'a coûté 4 la vie. Il accomplit toujours. Tango ya la qui a coquille sa table. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a fini pour faire la case à l'Istanbul. Qui dit amen? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va fini pour faire la case à l'Istanbul. Chers amis, la parole du Seigneur est l'absolue vérité. Elle ne peut pas devenir mensonge parce que toi tu n'as pas rencontré ce qui est là. Ton expérience peut être fausse et erronée. Mais la parole du Seigneur demeure vraie et véritable. Dans toutes les générations, dans tous les âges, et même pour l'éternité, la parole de Dieu le Père est la vérité. Retenons fermement jusqu'à la fin la profession de notre espérance. Les choses que nous espérons après les avoir demandées, continuons à espérer fermement. Et cela jusqu'à la fin. Sachant que celui qui a fait la promesse, Dieu est le Père de vérité, le Dieu de la main, le Dieu de vérité, il est fidèle. Il ne faillit jamais. Étant infaillible. D'accord. Que notre demande soit faite positivement. Elle nous faut ça coûte que coûte. Et dans nos moments de prière, nous ne croyons pas du tout que c'est la force de parole qui attirera les réponses. Comprenez que ce n'est pas la force de parole ou le nombre de paroles. Mais c'est la loi du cœur. Tout ce que vous demanderez avec foi. Traduite dans plusieurs langues. Oui, bah, si vous le Seigneur votre Dieu. Si vous parlez langue, écoutez. Loin de là. Nous avons auprès de lui cette assurance. Votre exhortation d'hier. Voilà les lignes qui sont à l'objet. 1, 2 versets bibliques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, juste comme ça. Une petite présentation. Voilà, hein? Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Non pas si nous lui demandons quelque chose, en parlant beaucoup. Ou en peu de mots. Ni le peu de mots, ni le peu de paroles. Ce n'est pas de s'agirer que sur là-bas. C'est de savoir que si la chose que nous demandons est conforme à la parole, Dieu nous écoute. Ce n'est pas force de paroles. Ce n'est pas le nombre de mots. Mais c'est la foi du cœur. J'espère que quelqu'un comprend ça correctement. Oh, mon Dieu. Allons dans Matthieu au chapitre 6. Pour lire encore ceci. Matthieu chapitre 6. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent, toujours l'imagination, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bolo balo balo kola, et pour ça la kaba pagano te, zambi ba jali pour kanisa ete, zambi a koloka kabango kona, bolo balo ba na bango. Boko ki ko jala, le kola bango te, zambi tatana bino a yebi yango, et jali bino ko senga naino, bolombi ete. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Tatana bino a yebi, le senga nabino. Avant même que vous formuliez la demande, ne cherchez pas à ressembler aux païens qui font des récitations de prières. Ils ont composé une prière appelée Ave Maria. Vous demandez aux gens de répéter des fois 50 fois. Dans certaines situations, 100 fois. Dans certaines situations, 500 fois. Quelle punition ? 500 fois. Au bêta, je Marie 500 fois. Maria Losako, banda bandati, allez bagati. Balubi qui yangonde bota ka changement moko boye. Ce qui problème est à niveau oyo, bétango 500 fois. Ce qui est à niveau bétango 100 fois. Ce qui est à niveau bétango 50 fois. Ce sont des païens. Dieu n'attend pas de nous la multiplication des païens. C'est la prière des hommes de Dieu dans la Bible. Aucune est la copie de la prière de quelqu'un d'autre. Allez de la Genèse à l'Apocalypse. Personne n'a eu à répéter la prière de quelqu'un d'autre. Chacun priait tel qu'il en avait le besoin. Chacun priait tel que son expérience le disait. Chacun priait tel que Dieu l'inspirait. Et nous avons une riche diversité dans le monde. Moïse a prié. Moïse a bondé la qui? David a prié. David a bondé la qui? Daniel a prié. Daniel a bondé la qui? Voyez-vous ça? Zacharie a prié. Zacharie a bondé la qui? Oh mes chers amis, Baninga, tous ces personnages ont adressé des prières. Batono, soana, l'église du commencement a prié. Okay, zana, bandi, le bondi, la, ki? vous ne trouverez aucune prière copie conforme d'une prière antérieure. Car nous invoquons un Dieu qui est riche. Riche en inspiration. Riche en conduite et en action. Il n'est pas pauvre, il n'est pas à court d'idées. Il est une fontaine intarissable. Il est une source qui ne sèche jamais. Connectez-vous. Lâchez vos âmes à lui. Vous ne tarirez pas. C'est lui qui vous ressourcera. C'est lui qui vous alimentera. C'est lui qui vous inspirera. C'est lui qui répandra sur vous son action. Connectez-vous à Dieu véritable. Arrêtez toutes ces robes d'occasion. Toutes ces religions fabriquées de maintenant. Des prières fabriquées locales. Nous craignons même la nouvelle naissance. Et pour ça, c'est la nouvelle naissance qui fait de nous, qui nous donne l'identité d'Abraham. Dans les sermons, pourquoi? Je veux lire ici dans la prédication du frère Branham intitulé pourquoi? Qui a été prêché le 26 novembre 1900. Le paragraphe 44, les gens ont peur de la nouvelle naissance. Cela ne fait que pour changer. As-tu peur de la nouvelle naissance? Ton âme te dit que ça ne fait que te changer. Mais pour obtenir le changement, notre réponse ce soir, c'est que c'est l'atmosphère. Pour changer les situations. Pour changer les vies. Pour changer les résultats. Pour changer votre rendement. Pour changer vos œuvres. L'atmosphère qui compte. N'ayez pas peur de la nouvelle naissance. Tant que tu vis dans la peur de la nouvelle naissance. Rassure-toi. Ne se produira pas pour toi. Tu ne la vivras pas. Et c'est ainsi que les gens, des fois, ne s'en préoccupent pas. Ils craignent que quelque chose d'inconnu se produise. Il a été prouvé dans l'univers ici. Même les historiens les savent. Car en réalité, l'homme a peur du changement. Et la raison, c'est par crainte de l'inconnu. L'homme, des fois, aimerait que les choses autour de lui changent. Mais ce changement-là auquel il aspire, c'est un changement qui lui vient de l'extérieur, pas du dedans de lui. C'est ainsi qu'il est trop exigeant envers ses semblables. Il faut que tel fasse ceci pour lui, pour que cette position lui change. Il faut que tel fasse. Et quand il n'a pas fait au semblable à lui, on ne dit pas, on ne dit pas. On attend tout de lui. Et pourtant le changement doit venir du dedans de nous. En vérité, c'est de chacun de nous que le changement doit venir. Certains n'aiment pas ça. Vous voulez dédouaner les gens? Il est ma mère. Ce n'est pas par sagesse que tu parles. Le jour où la sagesse bouclera, tu comprendras que tu es artisan de ton malheur et de ton Musali, ya bulamu na yote ya makamu mabeza liyo moko. Motongi tongi ya bomengo to ya yalibabe ya bomo ina yote ezaka yo moko. Que la sagesse vienne. Gwanya iya. Et si tu manques la sagesse, demande la vie. Moko zangi yango, senga yfa ina zambi. C'est dit dedans de nous que ça doit venir. Maintenant que Jésus dit, vous devez naître de nous. Tu veux que qui vienne produire la nouvelle naissance à ta place. Tu viens chez toi dormir chaque nuit dans ta chambre. Mais tu attends pour naître de nouveau. Je voudrais que pasteur même vraiment, il fait ici moi. Il est censé veiller sur ton âme. C'est la vérité. Qu'est-ce que dit la parole? Il doit veiller sur ton corps et ton ventre, ou sur ton âme. Nous devons dire la vérité. Et tu nous vas au solo. Vous programmez, veillez pas, il n'y a pas de passer, il n'y a pas de passer, il n'y a pas de passer. Alors, il n'y a pas de souci à nous. Il n'y a pas de souci. Mais avant, il n'y a jamais à programmer ça, veillez de prier, pas, il n'y a pas de passer. C'est moi, je passe à la nouvelle naissance, il n'y a pas. Tu en as peur. Il y a peur de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas l'affronter tout seul. Tu veux venir provoquer ça. Nous ne naissons pas des hommes. Nous naissons des dieux. Et il te faut la relation personnelle avec Dieu. Mes chers amis, nous devons changer les choses. C'est l'atmosphère qui compte. Vous changez les situations. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Cela ne fait que vous changez. Si vous n'êtes pas changé, alors vous n'êtes pas converti. Quelqu'un qui va penser et s'imaginer être converti, tu n'es pas converti. La conversion égale changement. C'est vrai. Vous pouvez être converti en entrant dans cette dénomination. Alors vous êtes converti à quoi? À la dénomination. Et vous pouvez être converti en entrant dans une autre atmosphère ou quelque chose de plus grand. Ça peut être une atmosphère d'une boîte de nuit. Dès qu'on continue qu'on a omis beau serina yomoko. Au commun qu'on s'en a comme moko boyé, depuis au bottom maintenant on s'en a raté. Tellement au côté d'une atmosphère, il y a boîte de nuit. Et tu dis, oh, mais depuis la boîte maintenant on s'en a comme boyé. Tu es ancré dedans et des esprits t'ont envahi. Et les esprits sont entrés là-bas. Et ils sont commencés à te faire agir. Et voilà la situation. Des esprits. Des esprits. Donc vous entrez dans une affaire autre que la nature. On voit des parents, certains parents, qui font montre d'une adolescence ratée. Donc, adolescence ratée. Pourtant, il est censé être éducateur dans sa maison. Il a besoin d'être éduqué lui-même. Voilà que ça y est comment on vit. C'est triste. Vraiment triste. Vous pouvez être converti en entrant dans une autre atmosphère. Ou quelque chose de genre. Mais lorsque vous êtes converti à Dieu, alors vous menez une vie sainte. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore. C'est sur quoi nous insistons, ce n'est pas la conversion au christianisme. Pour que vous commencez à imiter le comportement des membres de votre église. Ce n'est pas la conversion au branhamisme. Pour apprendre à savoir comment Branham serait Dieu de votre homme. Loin de là. Mais c'est la conversion à Dieu. Et le message vous montre ici. Quand vous êtes converti à Dieu, ce qui doit se produire, vous mènerez une vie sainte. C'est le résultat de la conversion. Parce que Dieu que vous invoquez est saint, votre vie sera influencée par sa sainteté. C'est automatique. Ce ne sont pas des lourds efforts pour nous. Mais c'est une influence atmosphérique. Vous placez sous l'atmosphère de Dieu. Dieu, il est le saint. Même les chérubins ont dit saint. Alléluia. Amen. Parce que telle est sa vie. Quand Esaïe s'est converti là, il s'est placé sous cette atmosphère là. Et qu'il a vu cette atmosphère là, il a crié malheur à moi. Quand je suis un homme impur, et j'habite au milieu d'un peuple impur, mes yeux ont vu le roi, ont vu le saint. Oh, dès ce moment-là, la vie d'Esaïe changea. Il devint un homme saint. Quelque chose s'est passé. Il n'était pas son effort. Il n'a pas programmé un jeûne de 3 jours. On ne dit pas qu'il a décrété un jeûne de 7 jours. Là même dans la présence, là même où il s'est tenu, là même où Dieu lui a fait grâce, au même moment, a volé du dessus là-bas. Voilà, il est allé dans le ciel céleste avec une pincette. Il a pris un charbon ardent. Il est venu mettre ça sur ses lèvres. Et il a dit, voici ceci à tous ses lèvres. Tes iniquités sont expiées. Amen. Quand telle opération venant de Dieu, qui ira parler pour nous? Sa vie déjà influencée. Sa vie transformée. Dans cette atmosphère-là. Il dit, mais voici Seigneur. Envoie-moi. C'est la même personne qui s'est crié malheureux. Qui se disait, Moutounalibabe. La même personne dans la présence de Dieu. Sous cette atmosphère-là, quelque chose s'est passé. Gloire au Seigneur. Que ceci t'inspire aussi. À aimer les séjours de la présence de Dieu. À demeurer sous l'atmosphère de sa sainte présence. À réclamer cela autour de ta personne. Oui. Mais lorsque vous êtes converti à Dieu, alors, vous menez une vie sainte. Je crois dans la sainteté. Je peux vous le prouver par la Bible. Et peu m'importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas offrir un don à Dieu sans des mains saintes. Ce qui m'a beaucoup aimé, c'est que vous avez dit que vous avez dit pe okoze la sika wa retombe ya makabona yo, talape e goyate. Pona nini, maboko na eza salite. Quelle situation? Quand nous disons sanctifiez-vous, vous négligez. Dieu m'a donné l'argent. J'ai de beaux habits d'ailleurs. Je suis à la pointe technologique. Le futur moderne, le plus récent, c'est ça. Je suis à la pointe. Je porte Louis Vuitton. J'ai porté Versace. Ou j'ai sur moi Mazatomo. Religion chrétienne. Tout ça c'est rien. Il nous faut la sainteté. Et c'est Dieu seul notre Père que ça vient. Nous nous plaçons dans sa présence et lui déclare tous les changements. Amen. Vous ne pouvez pas offrir un don à Dieu sans des mains saintes. Sinon, il ne le recevra pas. Que ceci te pénètre et que ça te concerne. Sois sage. Avant de te plaindre de ceci et de cela, la vie que tu mènes, l'état de ta main devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, les dons doivent être sanctifiés à l'autel. Avant que le sacrificateur entre pour les offrir, il devait être sanctifié et loin. Sinon, les dons étaient rejetés. N'acceptera pas les dons venant de mes impurs. Rappelons-le, Dieu n'acceptera pas les dons venant de mes impurs. La Bible a dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Isaac chapitre 4 dit ça. Nettoyez vos mains, pécheurs. Dans Esaïe 59, il dit non, versets 1 et 2. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Le bon son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent un voile entre vous et votre Dieu. Et il ajoute, vos mains sont pleines de sang. Voyez ça. Alors vous priez, il n'y a pas de résolution. Changeons l'atmosphère. C'est possible. Dieu n'acceptera pas les dons venant de mes impurs. C'est vrai. Cela doit venir par des mains pures. Sinon, il ne l'acceptera pas. Les gens ont peur de la nouvelle naissance. Pourquoi cela? C'est parce que c'est en quelque sorte du gâchis pour eux. Mais cela produit une nouvelle vie. Je suis très heureux. La nouvelle naissance, mais ça produit une nouvelle vie. Alors mon frère, n'ayez plus peur. Au point de ne même pas t'occuper de ça, de semaine en semaine et de mois en mois. Il ne fait plus même pas de naître de nouveau. Des fois tu as peur d'être confronté. Tu veux seulement supposer, imaginer que c'est déjà fait. Oh non, je suis déjà né père. Par peur d'affronter la vérité à ce sujet. Mais Dieu va continuer à avoir un prédicateur pour marteler sur ton cœur. Je te rappelle que tu dois mettre les choses là. Et après tu vas dire, mais qu'est-ce que son prédicateur a avec moi? Il n'y a pas de ici, la cacacate. Azouki indica kaki, il peut assumer les gars du Kabouana. Aki, il peut assumer. C'est parce que yo, nan, obongite. Dieu qui t'aime veut que tu changes. Ne t'imagine pas être né de nouveau. Il doit naître de nouveau. Il faut naître de l'esprit. Et c'est là qu'on peut s'amener à maï, t'es la molimo. Et c'est qu'on mais tu dois expérimenter la chose. Que le Seigneur par le surnaturel produise cela. C'est l'atmosphère qui compte. Êtes-vous là? Nous avons lu au sujet de la berge d'Aaron. Un bois sec. Il avait été coupé depuis des années. Mais qui ne servait que de canne à un vieil homme. La verge d'Aaron. Qu'on ne pouvait plus planifier dans le schéma naturel de plantation ni de greppage. Ce bois-là n'était pas une semence qu'on puisse en planter. Ce n'était pas un grain. Mais c'était un bois mort. Il n'avait pas de vie. Mais c'est l'atmosphère qui compte pour changer les vivants. Ce n'est que ceci est biblique. L'atmosphère qui compte pour changer les vivants. Dans Marc au chapitre 4, là nous avons lu du verset 26 à 29, c'est qu'il en est du royaume de Dieu. Le Seigneur compare avec une parabole tirée des choses naturelles. Le royaume est spirituel, mais la plantation est naturelle. Il en sera du royaume de Dieu. Comme un homme qui est allé semer une semence. Qu'il dorme ou qu'il veille. La terre elle-même. La semence en question va croître sans que l'homme ne sache comment. Dans le naturel, c'est comme ça. Difficile d'expliquer. Même si on a des cours de botanique et les cours de zoologie, mais c'est toujours illimité. Il y a toujours des choses qui échappent. On a mis la semence en terre, on a enfoui ça. L'homme peut dormir. Vous décidez de veiller sur la terre. Oui, regardez le mouvement autour du sol, là où il a planté. Il ne doit rien boucher. Il peut cligner les yeux jusqu'à 2050 ans. Il voit que la terre paraît toujours la même. Mais à travers les multiples clignements des yeux, un jour il va s'y sauter. Il verra comme il y a une fissure dans les sols. Et quand la fissure a commencé, c'était imperceptible à son œil. Il va remarquer un moment sans dire précisément à quelle seconde il est temps, la fissure va commencer. Car l'homme ne sait pas comment. C'est toi qui sais ce qui se passe. C'est le créateur, le propriétaire de l'univers. Il contrôle le mouvement de toutes choses. Sur la terre, sous la mer, même le mouvement des cadavres, il contrôle tout le mouvement. Et puis les pieds, et puis le grain, bien formé dans les pieds. Dans le naturel, ça se passe comme ça. Pour un arbre qui était arbre, même si on l'avait déjà coupé, mais à travers sa sémence, il peut germer de nouveau. Mais en tant que Moïse, il y a eu une contestation. Il y a eu des gens qui voulait occuper les sacerdotes, qui avait appelé de Dieu pour le faire. Aurait Datan et Abiram. Un trio dangereux. Un trio de rebelles. Qui se sont attroupés là. Ils ont commencé à faire pression sur le Seigneur. Oh non, toute l'assemblée est sainte. Arrêtez la dictature. Mais Dieu a établi les choses comme ça. Vous n'aurez jamais meilleure solution que Dieu. Vous n'aurez jamais une meilleure procédure que Dieu lui-même. Régnez Dieu, respectez ce qu'on a. Représentation familiale. Vous allez faire comme Abota. Amenez vos berges. Vous m'avez manqué de la mosse. Chaque groupe familial amène. On a changé le calibre de la mémé. Ils étaient sûrs qu'ils vont gagner. On va dire que ça va être ma colonne. Vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas berge. Vous connaissez tout ça. Et on trouve à Bola. Angenda. Vous bêtez là. Yango. Vous n'avez pas sonné. Nous réclamons des choses ici. Vous voulez toujours la dictature. Vous voulez qu'on s'amène à la cour. Vous demandez le pêche brusquement. Il y en a une. Amangé nana poisson. Il y en a une. L'autre famille c'est Aramé. Votre façon de le faire. Il y en a une. On a fait vos mémoires. Quand Dieu conduit une opération. Quand vous avez le tambour sali cambo. Ne soyez pas pressé, enthousiasmé. Yo, vous allez manger des coquilles quand vous allez descendre beaucoup. Quand vous ne maîtrisez pas encore le bout du tunnel. Quand vous suivez la montée sous la macamolène les vous attend. Parlez pas trop, ne vous agitez pas. Pour vous amener du thé côté la médecine. Il est un Dieu de surprise terrible. Vous allez amener à vous quand vous attend par la voiture. Il savait là où il les menait. Aïebaki est pas yuapi à cause de ma cabane. Un avertissement, un dernier avertissement. Izaraki kokebi par un nouveau châtiment. Libosso ya ko ya ko pesa etumbu ya ko kamu saka penda. Bah mais dans la bango. Dieu a dit à Moïse, déposez-le devant l'Éternel. Là dans l'arche, devant la gloire de Dieu. Wana na sanduku ni busana kibu redawe. Établissez l'atmosphère. Établissez l'atmosphère. Pour changer les situations. La bango. Les verges des autres sont entrés dans la même atmosphère. Elles sont passées nous ensemble dans le même lieu. Mais elles sont ressorties telles qu'elles étaient entrées. Pourquoi? Il fallait au-delà de l'atmosphère une représentation intérieure. Une représentation intérieure. Pour que l'atmosphère avec l'intérieur déclenche quelque chose. Dans les verges des autres, aucune profondeur divine n'était placée. Mais dans la verge d'Aaron, un choix divin était opéré. Une prédisposition divine était établie. Et c'était le secret de Dieu. Ce n'était pas écrit dans les journaux, dans la presse. Mais tout le monde ne pouvait pas lire. Mais que seuls les disciples connectés à Dieu pouvaient connaître. Regardez ce qui est arrivé. Toutes les verges ont passé au même endroit. Exposé devant le même Dieu. Comme nous venons tous devant l'église. Nous rentrons dans la même église. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas tout le monde qui vaincra. Mais le vainqueur, il y en a ici. Il faut avoir une représentation de la divinité. Une prédisposition divine ici. Alors la profondeur appellera à la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a ressorti toutes les verges, il y a une verge qui s'est distinguée. Non pas par elle-même, mais par l'action de Dieu. Par le surnaturel de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Cette verge en une nuit. Contrairement aux lois naturelles. Contrairement à ce qui se passe avec les sémences. Ou dans Marc 4, l'homme peut veiller ou briller ou dormir jour et nuit pendant tout un temps. Il ne peut rien être temps. Il se met nous des mois avant de voir que les choses germent et poussent. Mais ce jour-là en une nuit. Devant l'atmosphère surnaturelle. La verge a produit des feuilles. Et de ces feuilles sont sorties des fleurs. Et de ces fleurs est sorti l'épi. Et de ces épi sont sorties les amandes. Non seulement les amandes qui viennent de l'être, mais qui ont même mûri prêt à être mangé. La même nuit. Dieu peut faire beaucoup après des temps. Mais si tu penses être arrêté, tu vas beaucoup rater d'occasion. Le Dieu divin, le Dieu surnaturel, il est celui de la récupération. Il peut réaliser beaucoup. Pierre avait péché toute la nuit. Et toute une période ensuite. Mais sur la parole du Seigneur. En une seule nuit. Il a récolté des poissons. Dont la quantité dépassait de loin. Pour les poissons qu'il avait pêché toute sa vie. Depuis. Quand Dieu décide d'intervenir, il te donne une joie parfaite, une satisfaction complète pour fermer ta bouche et t'obliger à l'adorer. On commence à se dire, Zamba Kamalamo, Zamba Salaka. Tu as essayé, ça pas marché. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Garde jusqu'à la fin la profession de ton espérance. Car c'est lui qui a fait la promesse. Il y a son temps qui va arriver. Et tu seras étonné de ce qu'il va faire. Dieu apporte la solution. Il te fera oublier toutes tes peines. Toutes tes frustrations. Toutes tes afflictions. Il est le consolateur. Amen. Alléluia. En une nuit. La verge a poussé comme un arbre qu'on avait greffé. Alors que naturellement, ce n'était plus greffable. Ça ne répondait plus aux normes d'une greffe. Si vous voulez greffer la branche de manguier, il y a des règles. Si vous voulez greffer la branche d'un avocat, il y a des règles. Ça marche. Mais la verge, on ne répondait plus au nom de Dieu. Mais elle a été posée dans la présence de Dieu. Et le Dieu surnaturel a interagi dessus. Il a été posé boite sec dans sa main. Que tu sois boite sec dans sa main. La présence. Abandonne-toi à lui, Seigneur. Oui, je suis un boite sec. Quand tu mourais à la croix, quand tu portais la croix, Quand tu mourais à la croix, n'oublie le climat de la paix. N'oublie le climat de l'incertitude. N'oublie rien du tout. N'ayez peur de rien. Votre Dieu est le tout puissant. Amen. Êtes-vous là? Vous allez là? Amen. Je vais lire dans l'amour. Prêcher les 19 mains. Eh bien, c'est tout ce qu'il vous faut faire. Changer la situation. Est-ce que c'est amen? Changer la situation. C'est tout ce qu'il vous faut faire. Si cela peut se faire à la maison, cela peut se faire dans une église, cela peut se faire dans une nation, cela peut se faire dans le monde entier. Le changement de la situation, ça peut se faire dans une église, à la maison chez vous, dans une nation entière. Changement de la situation. Ça peut se faire dans le monde entier. Es-tu de ceux qui croient ça? La possibilité d'obtenir le changement est illimitée. Quel que soit le lieu, à ça peut se faire, je vois le faire. Ça peut se faire, le Seigneur nous l'a dit. Je dois croire que c'est comme ça. Quand je vais réclamer le changement, c'est quel que soit l'endroit. Car la main du Seigneur n'est pas courte. Pour opérer les délivrances. C'est l'atmosphère qui compte. Les moyens naturels de faire éclore l'œuf, c'est de les placer sous une poule. Et les moyens naturels pour reproduire un arbre, c'est de prendre sa semence et s'en. Mais l'atmosphère peut tout changer. Les moyens naturels pour faire clore un œuf, pour le placer sous ses poules, car elle les réchauffe. Mais placer-les sous le même genre de chaleur, cela les fera éclore de toute façon, tant que ce ne soit le moyen naturel. Et l'atmosphère qui compte, c'est vrai, c'est donc l'atmosphère. Et vous créez cette atmosphère-là avec ce qui est en vous. Vous créez cette atmosphère-là avec quoi? Avec ce qui est en vous. Moi, je veux placer au-dedans de moi la vérité de la parole de Dieu. Je veux les héberger en quantité là-bas. Si vous aimez moi, s'il dit, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ayez zéro doute dedans. Ayez toute la foi qui vous est possible d'avoir. Toute la foi qui vous est possible d'avoir. Amen. Nous disons amen. Amen. Vous voulez de tout cœur amen. Amen. Ah, très important. Je vais terminer ici dans la prédication. Votre vie est possible. Du 30 juin 1963, votre vie est-elle digne de l'évangile? Du 30 juin 1963, et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Quelque chose doit s'ouvrir. Au lieu d'attendre tout des autres. Non, vous allez créer l'atmosphère avec ce qui est en vous. Si tu n'as que de mauvaises pensées contre les gens, tu veux créer l'atmosphère autour de toi. Les réponses de Dieu, des miracles, avec un cœur mauvais là, c'est ce qui est en vous qui crée l'atmosphère. Savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Amen. Savez-vous cela? Amen. Certainement. Amen. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Amen. Il parle que du mal des gens, il est arrogant. Mais vous avez aussi des gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est juste le genre de personne aimable. Vous allez venir bateau. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils. Et vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent. Par la façon dont ils parlent. Et par leur conversation. Ça te donne envie d'être souvent à côté, en train d'écouter, qu'ils disent quelque chose. Et quand ils parlent, ça te fait du bien. Et je t'encourage toi aussi. Et apprends du nouveau. Et tu as une force qui entre là-dedans. Par leur conversation. Ils sont si gentils que... Je voudrais que vous soyez ce genre de gens. Très aimables. créateur d'atmosphère. Par la vie qu'il mène. Par la façon dont il parle. Par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d'autres que vous évitez tout le temps. La parole a dit que votre parole soit toujours assaisonnée de sel et accompagnée de grâce. Mais toujours le bénémoine, il y a nini. Mauvaise humeur, tout le temps, boutou moi, on dirait que c'est la gâte. Jamais il y a ce gâte. Mettre les mabés, mettre les méchants. Pourquoi pas comment on avait voyé? C'est pas bon. Et puis vous en avez vu d'autres que vous, que vous évitez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal. Parler de quelqu'un. Et vous dites, oh là là, nous voilà venir. Il va encore critiquer quelqu'un. Parce que il faut qu'on. Et les voilà. Il va parler de l'homme. Il ne sera que raconter des plaisanteries grossières. Quelque chose au sujet des femmes. Ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être en leur compagnie. Voyez, cet homme-là, il craint. Allez voir. Ce sont des très braves gens. Mais il craint cette atmosphère-là. Et donc, les choses auxquelles vous pensez. C'est quoi nous pouvons être à l'église, hein, tel que nous sommes là. Est-ce que le climat est le même sur chaque fidèle? Les différences se sentent ici. Les choses auxquelles vous pensez. Malgré l'ité, il y a problème, mais nous avons une qualité si nous qui avons nous RTP pour nous formuler qu'on peut se solution. Plus ça dure, plus il devient nerveux. Tension. Moi, dans cette église, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de lui? Les TP, les devoirs. Voilà. Même pas la parole. Les TP, les devoirs. Qu'est-ce que nous avons comme résultat? Zéro. Les choses auxquelles vous pensez. Il y en a d'autres qui sont tellement connectés à la pensée de la prédication. Tout comblé. Incapable d'aborder notre sujet après la prédication. Incapable. Mais vous en trouvez d'autres qui sortent. Eh, toi et Mathilde. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre qui est à l'église, il sort par la même porte, incapable d'aborder un autre sujet, c'est la parole du Dieu. Et l'obit en nous amour, c'est mon nom à l'eau là, au commissaire. Ou à l'inalaxané, il n'y a pas de défaut naïf. Vous savez, je vais vous grâce à Zambéwana. Est-ce que vous êtes là, est-ce qu'il y a un angaï, il faut voter le maprément, n'a rien à mériter l'eau là. N'est-ce pas que Zangaï? Bilobé là. Dieu t'a déjà déclassé, c'est tout. L'obacané, on va taper bon côté. C'est comme ça, mon ami. Quand il est temps de changer, profitez de changer. On attend à que bon les alliés. Au lieu de attendre la fin pour commencer à dire les bilobéla. Les sika causer la souka pour la cour. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, et les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Amen. Amen. Or, c'est l'atmosphère qui compte pour changer les situations. Pourquoi c'est pas et bien sans résultat? On a dit que c'est pas et bien sans résultat. Il est temps de changer les choses. Nous pouvons changer l'atmosphère. Et nous créons l'atmosphère avec ce qu'il y a à nous. La Vierge d'Aaron, ce que Dieu avait placé dessus, il a placé dedans là. Il a produit le changement. Dans les autres vierges, Dieu n'avait pas mis ces choses là. Qui comme c'était entré. Mais regardez les conséquences. Après que Dieu ait opéré ceci surnaturel, Dieu dit, prends les va les déposer là comme mémorial. Pour contre les fils, que ça serve de signe contre les fils rebelles. Afin qu'ils ne meurent pas. Ils arrêtent leur murmure. Moi, je vais maintenant tout Israël a commencé à se plaindre. L'esprit de mort est entré. Et Bandiko Betra et Betiawa. Et Betikuna. Maintenant ils sont encore revenus à Moïse. Nous expirons tous. Nous allons couper avec nos bains. Il y a la mort. Koufa et Zali. Nous finissons. Le Seigneur est là. Moïse. Alona. C'est quoi maître? Oh Nini Awa. Tout ce qui s'approchait de la tente de la direction, là où il y avait la verge, où il y avait la gloire de Dieu, tout ce qui s'approchait mourait. Pouvez-vous comprendre ceci? La même verge qui était le témoignage de la gloire de Dieu, c'est la même verge qui est devenue un jugement pour nous. Le même évangile qui amène les uns au salut, c'est le même évangile qui condamne les incrédules et qui les amènera en enfer. De quel côté serez-vous? Que Dieu nous aide. On ne se moque pas de Dieu. C'est l'atmosphère qui compte pour changer les situations. Et vous créez cette atmosphère avec ce qui est en vous. Moi je vous conseille. Je vous propose vraiment de placer en vous les paroles de Dieu. Et alors tout ce que vous demanderez, quel que soit, vous le recevrez. Et quand vous demanderez, il sera sans doute, mais avec foi, dans la plénitude de la foi, que Dieu bénisse parfois. Faites-nous debout pour la prière maintenant. Jésus Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et ma faiblesse connaît pas, ça sûrement lui il éclaire. Mon chemin, oh, il est clair, mon chemin, je marche, ma faiblesse ne conduit pas, ça sera main, oh, il est clair, mon chemin, il est clair, mon chemin, oh, je marche, ma faiblesse conduit pas, ça sera main. Jésus-Christ est ma justice, sans ça a coulé pour moi. Je trouve son sacrifice paix et pas. Donc par la foi, ton sang sans ça coulé pour moi, sans ça coulé pour moi, oh je comprends, sans sacrifice, paix paix et pardon par la foi. Au sang ça a coulé pour moi. Sans ça a coulé pour moi. Je combat sans sacrifice. Paix et pardon par la foi. Jésus-Christ m'est sanctifié. Au divin, paix partagée. Je reçois, père et la vie, qui m'a penché du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus. C'est attaché, je reçois de toi la vie qui m'a fait des péchés. À toi, Jésus, attaché, à toi, Jésus, attaché, je reçois de toi la vie qui m'a fait, c'est des péchés. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête, c'est lui pour l'éternité. Oh Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Alléluia. Prions chacun maintenant. Changeons l'atmosphère. Si celle dans laquelle tu vis ne produit pas la résultante, avec ce qui est en toi, change l'atmosphère. Les choses auxquelles tu penses, les choses dont vous parlez, les actions que vous posez, tout cela crée une atmosphère. Prions chacun. Mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, sans sans les laver, mes péchés, tous mes péchés, tous mes péchés, sans sans les laver, tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Ça change l'atmosphère. Tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix, qu'il annonce les poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a noté le poids. L'éternité, l'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer, mon frère, l'éternité. L'éternité, où vas-tu la passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh, Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment, oh, Jésus t'attend, Jésus t'attend, oh viens enfermement. Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha, amen, amen, Maranatha, Maranatha, Maranatha, amen. Dieu Tout-Puissant et Bienveillant. Ta parole est la vérité. Ta conduite est merveilleuse. Tu es redoutable dans la sainte justice. Ton pouvoir d'action est illimité. Ton lieu d'opération est illimité. À la maison, à l'église, dans le monde, les situations peuvent changer. Donne à chacun de nous la foi suffisante, la foi nécessaire pour te prier correctement, pour t'adresser les demandes avec conviction, gardant jusqu'à la fin la profession de son espérance. Connaissant que celui qui a fait la promesse, c'est le Dieu fidèle et voyant. Viens au secours de mon frère et ma soeur. Guéris les maladies de notre force, Seigneur. Toutes les insuffisances que nous avons. Les impuretés et les saletés. Les folies et les non-sens. Mets au-dedans de nos tâches. Et toi, Jésus-Christ, notre sagesse. Éclaire notre chemin, Seigneur. Chasse les ténèbres, lui. Les ténèbres des souillures et du péché. Viens nous soutenir. Viens nous secourir. Que ta main nous délivre. Pardonne nos péchés. Lave-nous dans le sang rédemptoir. Ose le fardeau des soucis. Qui mette sur nous une mauvaise atmosphère. Nous avons besoin de la bonne atmosphère. Par la parole de vie. L'évangile de paix que tu as donné. La parole de vérité. Qui est oui et amen. Du service divin de ce soir, rendant gloire à Dieu. Et